Le vendredi 19 mai, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Régis Labeaume repousse la consultation publique et le chantier de la tour Le Phare. En l'absence d'une solution concrète pour la congestion routière à la tête des ponts, le maire de Québec préfère retarder la construction de cette tour de 65 étages. C'est donc dire qu'il n'y aura pas de première pelletée de terre avant l'an prochain. Rappelons que la Ville de Québec retourne à la planche à dessin sur la question du transport en commun et que le ministère des Transports tarde à faire connaître ses plans de réaménagement à la tête des ponts, autant de facteurs qui compliquent la question de la circulation automobile dans le dossier du phare de Québec. Une toute nouvelle plateforme en ligne voit le jour pour les commerçants du centre-ville de Québec. Monquartier.com offre depuis ce matin quelques 350 produits issus d'une quarantaine de commerces locaux. La livraison écologique est assurée en vélo ou en voiture électrique. Le projet est né de l'association de l'entreprise Véli Coursier avec les médias hyperlocaux Mont-Limoilou, Mont-Saint-Roch, Mont-Saint-Sauveur et Mont-Montcalm. Ceux-ci se regroupent d'ailleurs sous une nouvelle identité. Monquartier.Québec. Ceux-ci s'offrent également pour l'occasion une toute nouvelle image sur le web. Selon le fondateur de Montlimoilou.com, Arnaud Bertrand, cette nouvelle offre répond à un besoin grandissant des commerces de proximité. Connaissant un petit peu aussi le contexte de c'est quoi de faire des affaires au centre-ville actuellement, le contexte aussi d'un petit commerçant qui n'a pas le temps de gérer autre chose que de la production ou du service, l'idée du clé en main nous est tout de suite apparue intéressante. Parce que le commerçant, on ne dérangeait pas tant le commerçant finalement. On lui demandait de sélectionner quelques produits, de nous les fournir et de nous, on s'occupait du reste, prendre les photos des produits, les mettre en ligne sur la plateforme. Puis après ça, on a juste à venir les chercher et les livrer. À Lévis, le Quai Paquet sera plus animé que jamais pendant la période estivale. Fort achalandé l'an dernier, il risque de l'être tout autant au cours des prochains mois, avec une programmation relevée. Les fontaines seront mises en valeur chaque soir d'été grâce à un spectacle son et lumière. Des activités familiales sont également prévues les 23 et 24 juin à l'occasion de la fête nationale. Le maire de Lévis, Gilles Louillet, a également annoncé un investissement de 225 000 $ dans un spectacle à grand déploiement à la fin juillet. Baptisé Surface, il mettra à l'honneur une vingtaine d'artistes de la relève en musique, en danse, en théâtre et en cirque. C'est sans compter l'arrivée d'un premier navire de croisière international en octobre et la tenue du Festibiaire à la fin juin. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est peut-être un peu moins chaud qu'hier, mais ce sera tout aussi beau aujourd'hui et pour la fin de semaine. Il y aura dégagement tôt cet après-midi. On nous prévoit un maximum de 16 degrés aujourd'hui, vendredi. 16 degrés également demain, samedi. Ce sera plein soleil. Autre journée très ensoleillée dimanche avec un maximum de 17 degrés et possiblement le retour de la pluie lundi. On nous parle de 60 % de probabilité d'averse pour le début de la semaine prochaine. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a 13 degrés.